La médaille d'amitié de la République populaire démocratique de Corée a été conférée à Ilyi Chabadil, président du comité consultatif de l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée. La remise de la médaille a eu lieu le 14 à Vienne, en présence des membres de l'association, de diverses personnalités autrichiennes et de l'ambassadeur et des diplomates coréens. À la suite de la lecture du décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, faite par l'ambassadeur coréen, on a octroyé la médaille d'amitié à Ilyi Chabadil. Le président de l'association autrichienne a exprimé ses impressions et sa détermination de développer davantage les relations d'amitié et de coopération bilatérale et de soutenir mieux la lutte du peuple coréen pour la réunification indépendante et pacifique du pays et l'édification d'une puissance socialiste.